La tête dans les mains, Henri se tenait assis au bord de son lit. Il se sentait amer, usé et vieux. Que sa fille ait fini par découvrir la clé de tout ne l'étonnait pas vraiment. Pour les fleurs, il s'était douté de l'importance cruciale que Camille y attachait. Seulement, il n'avait pas cherché à comprendre, n'avait pas deviné qu'elle écrivait quelque chose. Et il s'était contenté de payer l'estrade afin que le parc demeure en l'état. À présent, peu importait. « Rase donc tout ça », avait-il suggéré à Pascal avant de raccrocher. Elle voulait absolument qu'il descende à Pérols, mais à quoi bon ? De toute façon, elle se trompait encore sur quelques détails. Détail n'était pas le mot exact. Pouvait-il décemment appeler son rôle dans cette histoire un détail ? Ah, quelle formidable indulgence pour lui-même ! Cependant, il en avait assez de se fustiger. Il s'était culpabilisé jusqu'à l'écœurement, il n'en pouvait plus. Relevant la tête, il considéra le décor de sa chambre. Pourquoi vivait-il encore dans le souvenir de Camille ? Il aurait dû depuis longtemps essayer d'aménager autrement sa fin de vie. Il n'était pas malade, il risquait de durer. Il allait faire un beau vieillard vert, traînant ses fantômes avec lui. Dans les profondeurs de l'appartement, il entendit le bruit de la porte d'entrée. Adrien allait et venait à sa guise, Henri lui ayant confié un trousseau. Mais pourquoi débarquait-il à cette heure tardive ? Papa ? C'est moi ! Évidemment, personne d'autre n'entrait ici comme dans un moulin. Tu as dîné ? Sur le seuil de la chambre, son fils le considérait d'un air inquiet. « Non, » soupira Henri. « Moi non plus, tu veux sortir ? Inutile, mon frigo est plein. Alors je me mets au fourneau. » Bon sang, c'était à la fois réconfortant et injurieux d'être pris en charge de cette manière. Adrien le croyait-il gâteux, incapable de se nourrir ? Résigné, Henri se leva pour le suivre jusqu'à la cuisine. « Ta sœur t'a appelé ?» s'enquit-il d'un ton désabusé. « Bien entendu, l'histoire des fleurs m'a fait froid dans le dos. Pourquoi ?» « Pourquoi ?» Une poêle à la main, son fils se retourna pour le dévisager stupéfait. « Comment ça, pourquoi ? Mais parce que... Imaginez maman en train de... Quand je la voyais s'échiner sur les massifs, je croyais que ça lui plaisait. Tiens, j'en étais même venue à penser que toutes les femmes sont passionnées de jardinage. Alors que pour maman, c'était juste une manière de faire son deuil, je suppose. » Bien qu'on ne puisse pas faire son deuil d'une personne toujours en vie, n'est-ce pas ? Henri se dispensa de répondre et prit deux assiettes dans un placard, tandis qu'Adrien battait des œufs. Franchement, papa, je trouve Pascal un peu folle d'avoir remué tout ça. Mais c'est elle qui vit à Pérols. Elle avait sans doute besoin de savoir. À cause de ce foutu livret de famille, oui, Pascal s'était mis en quête de la vérité. Et une fois la boîte de Pandore ouverte, plus moyen de la refermer. Tu ne dis rien ? Remarqua Adrien. Je suis fatiguée de toujours penser au passé. » Adrien hocha la tête, perplexe, en esquissant un sourire à tout hasard. C'était vraiment un gentil garçon, un fils attentionné et même un bon médecin. Pourtant, il devait avoir plein de problèmes, lui aussi. Henri en avait la certitude, sans jamais avoir osé lui poser la question. « Ta sœur m'a demandé si je voulais rencontrer Julia Coste, » annonça-t-il. « C'est évidemment hors de question. Même pour la mémoire de Camille, je n'arriverai pas à m'y résoudre. » Comment parvenait-il à l'énoncer aussi posément ? Certes, Julia n'était rien pour lui. Néanmoins, l'idée de voir ce qu'elle était devenue le glaçait, l'horrifiait. Ce serait de la... curiosité malsaine, s'indigna Adrien. Pascal a toujours des idées aberrantes, elle ne... C'est sa demi-sœur, Ad. Dans tout ce chaos, Pascal avait raison. Comment aurait-elle pu agir autrement ? Au téléphone, Henri avait entendu la voix de sa fille trembler, puis se briser tandis qu'elle décrivait Julia. Unique consolation, la malheureuse se trouvait dans un établissement correct. Elle avait été bien traitée depuis 40 ans, les institutions avaient parfois du bon. Adrien versa les œufs battus et le jambon coupé en lamelles dans l'huile chaude, puis il alluma une cigarette. « Tu fumes trop », dit machinalement Henri. Du coin de l'œil, il observait son fils avec intérêt. « Ressemblait-il à Alexandra ?» Dans les vagues souvenirs qu'Henri conservait de sa première femme, elle était assez belle, et Adrien l'était aussi. Alors pourquoi était-il toujours seul ? Pourquoi était-il en train de préparer le dîner de son vieux père, au lieu de sortir avec l'une de ses nombreuses petites amies ? Trop nombreuses, en réalité, c'était bien le signe que quelque chose n'allait pas dans la vie de son fils. L'odeur de l'omelette réveilla l'appétit d'Henri. Il se leva pour prendre une bouteille de Chablis dans le réfrigérateur, la déboucha et emplit deux verres. Puis il coupa des tranches de pain qu'il jeta dans une corbeille. La femme de ménage lui faisait des courses presque chaque matin. Il n'avait aucun souci d'intendance. Mais pour rien au monde, il n'aurait mangé seul dans cette cuisine. Peut-être devrait-il songer à vendre l'appartement devenu trop grand et à s'installer ailleurs ? L'empreinte de Camille n'était pas vraiment ici, où elle ne s'était pas beaucoup investie, mais à Pérols. Une empreinte dont Pascal avait entièrement cerné la trace. Pascal, si opiniâtre, si perspicace, sa merveilleuse fille. « Tout à l'heure, si tu veux, on fera une partie d'échecs », proposa Adrien en tassant l'omelette sur un grand plat. « J'ai perdu d'avance, mais je suis d'accord », répondit Henri. Le choc du coup de téléphone de Pascal commençait à s'atténuer. Avec un peu de chance et de volonté, il réussirait une fois encore à tout reléguer au fond de sa mémoire. Il y était bien arrivé jusque-là, il n'avait qu'à continuer. Mettre un pied devant l'autre, voir un matin se lever après l'autre, c'était ce qu'il parvenait à faire depuis la mort de Camille. Il prenait même parfois un certain plaisir à se sentir exister, comme à cet instant où Adrien lui souriait si gentiment. Mais qu'en serait-il du sourire de son fils, et bien pire de sa fille, si Henri se décidait à leur livrer les derniers détails de l'histoire des Fontanelles ? Il reposa sa fourchette, l'appétit coupé.